à tous ces gosses qui demandent rien, subissent la guerre. Ces gens qui font de l'oseille sur le dos de la misère. À tous ces types, tous, sapés en tri, envoyés dans nos pays pour mettre nos familles à terre. À tous ces pères, ces darons, ces larmes bénies. Ces journalistes qui font du pif sur la peine des bars. Après Satan, c'est peine, après peine, c'est nous. La religion, ils veulent la paix. À l'aide de Georges et Charles, laissez-nous vivre qu'on est déjà mal vu. On n'a rien contre les chrétiens, les juifs, puis nous, on est personne non plus. On peut pas juger les gens ou être jugé à mon avis. Tout ce qui est à 2%, et puis c'est pas un jeu à nous. Savoir se protéger. Moi je pense à vous. Je ne veux pas accepter un combat quand deux hommes se défient et que le reste du monde ne sait pas. Moi, je ne veux pas que des innocents payent.